À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les pages internet russes ont fait des rédactions spéciales avec son portrait en sourire et ses photos. Les patriotes moscovins griffonnent personnel la République populaire démocratique de Corée d'aujourd'hui et Yesnaya Korea ont écrit que le président coréen était le père affectueux chargé du sort du peuple avant d'être leader d'un pays et ont cité ses exploits accomplis pour le peuple.